Chapitre 10. L'après-midi, vers 4h30, comme Firmin était toujours au petit restaurant, le nez derrière le rideau et le regard étroitement fixé sur la façade du mystérieux hôtel, il vit d'abord sortir de cette maison un des hommes qui, le matin même, était en faction dans la rue Pelpeau, en face de la maison meublée, où habitait d'une façon désormais si irrégulière le jeune étudiant. Firmin regardait le jeune homme, proprement et modestement vêtu, qui s'éloignait assez vite de la maison énigmatique. Il n'eut pas la tentation de le suivre, ce n'était qu'un gibier insignifiant. Et d'ailleurs, parmi tous les êtres que cachait derrière ses murs cet hôtel de la rue Cahuzel, il y en avait un qui l'intéressait sensiblement plus que les autres. Au bout de quelques minutes, il vit revenir le jeune homme dans un taxi ouvert qui s'arrêta devant l'hôtel. Firmin, plus anxieux, se leva pour mieux voir. Il attendit quelques minutes, puis la porte de l'hôtel s'ouvrit de nouveau, et Rose elle-même, suivie d'un autre jeune homme, monta dans la voiture. Firmin jeta hâtivement un billet sur la table et partit sans attendre la monnaie. Il lui avait semblé reconnaître dans le jeune homme qui accompagnait Rose le domestique du comte de Félicia. Le taxi, encore arrêté, se dirigeait vers le boulevard extérieur. Firmin courut en avant. Au bout de 200 ou 300 mètres, il s'arrêta, fit face à la voiture qui venait et, d'un geste impérieux, fit signe au chauffeur de stopper. Sans hésiter, il sauta dans la voiture, à la grande surprise du compagnon de la jeune femme. « Vous allez descendre tout de suite, » dit Firmin à ce garçon, « et me laisser avec madame. Vous entendez ?» dit-il au domestique, « à moins que vous ne préfériez que j'appelle un agent. » Un gardien de la paix se promenait à 20 pas de là auprès d'une station de voiture. Le petit domestique, qui était un garçon judicieux, vit qu'il n'avait qu'à écouter les conseils de Firmin. Il descendit et la voiture reprit sa route, Rose ayant à côté d'elle un autre chevalier servant, sans que le chauffeur Placide se fût étonné de la substitution. Firmin et Rose étaient très troublés de ce qui venait de se passer, aussi émus que le petit jeune homme lui-même. Pendant quelques instants, la voiture roula sans qu'ils songeassent à s'adresser la parole. Le chauffeur continuait à suivre les boulevards extérieurs, et Firmin pensa qu'on avait dû lui donner l'adresse du comte de Félicia, puisque c'était là que demeurait Rose. Mais sans doute le changement de compagnon devait-il entraîner un changement d'adresse. Il valait mieux ne pas aller chez les Gourgeot. D'abord, leur maison pouvait être épiée par quelqu'un de la bande. Et puis, Firmin se disait que Rose serait peut-être plus à son aise avec lui tout seul. Les gens de la sûreté faisaient un peu peur à la jeune femme. Il se fit donc conduire dans un grand hôtel sur les quais. Arrivé là, il retint 2 chambres contiguës. Avant de donner au chauffeur l'adresse de cet hôtel, il avait pris l'avis de Rose. Mais elle ne demandait qu'à se laisser conduire. Il chargea un chasseur de l'hôtel d'aller chercher sa malle au cours de Vincennes. Il lui remit également un mot pour Gourgeot. Il arriva que le chasseur se trompa d'adresse, erra tristement pendant 1 heure dans l'avenue de Saint-Mandé, de sorte que, lorsqu'il arriva à la maison des Gourgeot, le couple était déjà reparti depuis un bon moment. Mais cette réponse, rapportée à Firmin un peu après 8 heures, ne troubla pas beaucoup le jeune homme, tout à d'autres préoccupations. Quand ils étaient entrés dans la chambre retenue pour Rose, la jeune femme se laissa tomber sur un canapé et fut prise d'une crise de larmes. Firmin commençait à s'y habituer, car il l'avait déjà vue un certain nombre de fois dans ces états-là. mais l'occasion lui sembla bonne pour la prendre maternellement dans ses bras. Elle était toujours dans le costume sommaire de la veille au moment où elle avait quitté la maison de santé, un déshabillé de nuit sous un manteau de voyage, de sorte que le consolateur sentait très près de lui le corps souple de la pauvre consolée. Vraiment, en se laissant ainsi consoler et aimer, la pauvre petite Madame Asquin avait toutes les excuses. Elle se trouvait tout à coup seule au monde. Sa sœur, elle l'avait appris ce jour-là, avait quitté Paris pour rejoindre le comte de Félicia, qui voyageait à l'étranger. Et l'après-midi, ainsi que Firmin l'apprit par des confidences entrecoupées, l'après-midi n'avait été pour elle qu'une suite de révélations abominables. Elle avait surpris son mari en train de procéder à une besogne terrifiante, et sans oser prononcer les mots exacts, elle dit à Firmin ce que faisait Robert dans le four de briques du petit bâtiment. Puis son effroi, la façon dont son mari l'avait ramenée brutalement dans l'hôtel, là une scène de reproches farouches, Artaud le mulâtre s'était mis de la partie. Par haine de Robert, il avait appris à Rose que Madame Bosca, la maîtresse du comte, avait été aussi la maîtresse d'Asquin, qu'il avait tué, soi-disant, pour s'assurer de son silence, en réalité par jalousie. Et cette bête venimeuse d'Artaud avait jeté encore une insinuation plus odieuse que toutes les autres. Il avait fait allusion à des relations secrètes entre Robert et la comtesse de Félicia, la sœur de Rose. Elle n'avait pas cru cela. Non, elle ne l'avait pas cru. Et cependant, elle se rappelait des choses étranges, des absences suspectes de sa sœur et de Robert Asquin, si bien qu'elle avait été presque soulagée quand elle avait appris que sa sœur avait quitté Paris et que, pendant quelque temps au moins, elle ne la reverrait pas. Ainsi, tout lui manquait. Elle était seule, seule. Et un jeune homme, tout à coup, se trouvait devant elle, plein de tendresse et d'amour. En dépit des déceptions dont elle avait souffert, elle allait à lui, éperdument confiante. C'était son refuge unique. Elle n'avait jamais été aimée. C'était une femme d'intelligence fine, mais d'une parfaite inexpérience sentimentale. Personne ne lui avait fait sérieusement la cour. Elle s'était mariée très jeune à un très jeune homme, et les gens croyaient que c'était un mariage d'amour. Alors, personne n'avait songé à troubler ce ménage trop récent encore. Ceux à qui elle aurait pu plaire attendaient. Les circonstances étaient donc assez bonnes pour les tendres aspirations de Firmin. S'il se fut rendu compte de l'ingénuité véritable de la jeune femme, peut-être en eût-il été intimidé. Mais c'était un très jeune homme, lui aussi. Pour lui, cette vraie jeune fille était une jeune femme, avec qui il n'y avait pas trop d'inconvénients ni de profanation à brusquer les choses. Tout en écoutant ses plaintes, il suivait son idée à lui et se demandait « Serais-je audacieux ce soir ? N'est-ce pas diminuer la grandeur, la noblesse de mon attitude de protecteur et de sauveur ?» que de paraître exiger tout de suite une sorte de récompense, de salaire. D'autre part, il pensait qu'il fallait une prise de possession pour s'assurer la conquête de cette femme aimable mais fugace et qui lui avait échappé le matin même alors qu'elle avait écouté si gentiment sa déclaration de la nuit. Oui, il fallait qu'elle fût à lui. Ainsi, elle lui resterait. Il n'y avait pas que le raisonnement qui lui conseillait ce dernier parti, ou plutôt il avait des tendances à trouver admirablement judicieuses toutes les raisons qui l'engageaient à hâter la conquête définitive de Rose. Elle continuait à se plaindre, à sangloter parfois, et c'était pour lui l'occasion d'appuyer sa joue contre la joue brûlante de la jeune femme. Bientôt, il s'enhardit jusqu'à effleurer de ses lèvres son front, puis ses tempes. À chaque baiser, elle avait une crise de larmes et de soupirs, mais c'était plutôt de la nervosité que de la désapprobation. Il approchait, sans en avoir l'air, sa joue tout près des lèvres de la jeune femme pour obtenir d'elle l'acquiescement plus formel d'un baiser. Mais elle ne semblait pas comprendre cette invite. Bientôt, il alla jusqu'à prolonger un baiser sur la tempe. Ce même baiser chemina sur les cheveux, derrière l'oreille, et vint se poser avec ferveur sur le cou de Rose, qui se prit à tressaillir. La grande préoccupation de Firmin était de donner à ses caresses un caractère plus tendre que passionné. Maintenant, il avait une impatience fiévreuse d'arriver à des caresses plus intimes, mais il craignait de tout compromettre par une hâte maladroite. Il cherchait des transitions, peut-être des paroles. Il finit par lui dire « Je suis à vous. Ma vie tout entière vous est consacrée. Je n'aime que vous au monde. Il faut que nous soyons l'un à l'autre. » Elle ne disait pas non, mais prêtait-elle à ses paroles une attention suffisante? Et n'allait-elle pas se révolter quand il ferait suivre les mots de gestes correspondants, mais tout de même plus expressifs? Il s'énervait de rester dans le doute et se résolut enfin à risquer le tout pour le tout. Il prit Rose dans ses bras et la porta sur le lit. Elle eut, à une tentative non équivoque, une crise de larmes plus véhémente que toutes les autres. Mais il comprit bien qu'il aurait eu tort de s'y arrêter, quand enfin conquise, elle lui prit la tête dans ses bras et lui rendit passionnément ses baisers. Cet événement important de la vie sentimentale de Firmin et de Rose s'était passé vers 9 heures du soir. Firmin n'avait prêté qu'une attention distraite à la réponse du chasseur qui, quelque temps auparavant, était venu lui rendre compte de sa mission au domicile des Gourgeot. Pour lui, toute cette tragique affaire était bien au second plan. Vers 9h15, Firmin et Rose se souvinrent à peu près en même temps qu'ils n'avaient pas dîné. Firmin fit monter à dîner et ils s'attablèrent. Le visage de Rose gardait encore la trace de ses larmes, mais son regard était si clair et si heureux qu'il semblait que tout ce qu'elle avait vu et entendu l'après-midi ne fût même pas un rêve, car un rêve aussi affreux avait de quoi attrister une âme moins oublieuse. Elle avait une façon de chasser d'elle les malheurs de sa vie qui avait de quoi charmer et terrifier. Mais Firmin n'était charmé que de son sourire et de son regard. Il parlait constamment et ne parlait de rien. Il s'enivrait à l'idée que ce charmant petit être allait dormir auprès de lui, dans ses bras. Le monde qui se limitait à eux lui semblait étroit et admirable. Comme on avait transporté Gourgeot à l'hôpital, Mathilde ne rentra pas chez elle ce soir-là. Elle ne trouva donc pas le mot de Firmin et ne put lui apprendre les dramatiques événements de la soirée, de sorte que la nuit de Firmin fut préservée et resta magnifique, tandis que dans une salle d'hôpital, l'un entouré de pansements et l'autre au chevet du lit, torturé d'une douleur plus grande, veillaient deux pauvres héros.